Jacques chapitre 5. Or maintenant, vous riches, pleurez, et poussez de grands cris, à cause des malheurs qui s'en vont tomber sur vous. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille sera en témoignage contre vous, et dévorera votre chair comme le feu. Vous avez amassé un trésor pour les derniers jours. Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et duquel ils ont été frustrés par vous, crient, et les cris de ceux qui ont moissonné, sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu dans les délices sur la terre, vous vous êtes livrés aux voluptés, et vous avez rassasié vos cœurs, comme en un jour de sacrifice. Vous avez condamné et mis à mort le juste, qui ne vous résiste point. Or donc, mes frères, attendez patiemment jusqu'à la venue du Seigneur. Voici, le laboureur attend le fruit précieux de la terre, patientant, jusqu'à ce qu'il reçoive la pluie de la première et de la dernière saison. Vous donc aussi, attendez patiemment, et affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. Mes frères, ne vous plaignez point les uns des autres, afin que vous ne soyez point condamnés, voilà, le juge se tient à la porte. Mes frères, prenez pour un exemple d'affliction et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous tenons pour bienheureux ceux qui ont souffert. Vous avez appris quelle a été la patience de Job, et vous avez vu la fin du Seigneur, car le Seigneur est plein de compassion et miséricorde. Or, sur toute chose, mes frères, ne jurez, ni par le ciel, ni par la terre, ni par quelque autre serment, mais que votre oui soit oui, et votre non, non, afin que vous ne tombiez point dans la condamnation. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui souffre, qu'il prie? Y a-t-il quelqu'un qui ait l'esprit content, qu'il psalmodie? Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui soit malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et qu'il prie pour lui, et qu'il loigne d'huile au nom du Seigneur? Et la prière faite avec foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Confessez vos fautes l'un à l'autre, et priez l'un pour l'autre, afin que vous soyez guéris, car la prière du juste, faite avec ferveur, est de grande efficace. Élie était un homme sujet à de semblables infirmités que nous, et cependant ayant prié avec grande instance qu'il ne plût point, il ne tomba point de pluie sur la terre durant 3 ans et 6 mois. Et ayant encore prié, le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un d'entre vous s'égare de la vérité, et que quelqu'un l'y ramène, qu'il sache que celui qui aura ramené un pécheur de son égarement, sauvera une âme de la mort, et couvrira une multitude de péchés.